بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو 13 من شهر محرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 22 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 16 novembre 2013 et nous allons, inshallah, entrer dans le 22e cours de ce même livre, Les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant la manière de plaisanter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Babu ma ja'a fi sifati mizahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous sommes arrêtés sur le hadith dans lequel Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une monture qu'il pourrait embarquer ou sur laquelle il pourrait monter. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je te donnerai l'enfant d'une chamelle, afin de faire penser à cet homme que ce qui va lui être donné, c'est le bébé de la chamelle. Et le bébé de la chamelle ne peut pas être monté. Et c'est ce que l'homme a compris. Et c'était une manière de plaisanter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme lui a dit: oh messager d'Allah, mais que vais-je faire avec le bébé de la chamelle? C'est-à-dire, il est trop petit, je ne peux pas monter dessus, il ne peut pas me transporter. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que les chamelles, c'est-à-dire, est-ce que les chamelles n'enfantent que des bébés? Ou est-ce que les chamelles n'enfantent, qu'est-ce que les chamelles n'enfantent si ce n'est des bébés? C'est-à-dire que tout chameau à la base était bébé, donc il est enfant d'une chamelle. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a plaisanté avec lui, et sans mentir. Le chapitre d'aujourd'hui est rapporté toujours par Anas ibn Malik رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. Donc ce hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu an nous donne une manière de plaisanter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Anas nous dit qu'un jour, un homme parmi les bédouins, ce qu'on appelle Ahlul Badiya, un homme parmi les bédouins, d'ailleurs le mot bédouin en fait, il vient du mot arabe Badiya, un homme parmi les bédouins qui répondait au nom de Zahir, cet homme s'appelle Zahir, et qui offrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam des cadeaux qu'il ramenait avec lui. C'est-à-dire, à chaque fois que cet homme venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apportait avec lui un cadeau de Al-Badiya. Al-Badiya, c'est l'endroit où vivent les bédouins, en dehors de la ville. Ça peut être le désert, par exemple. Et donc, cet homme venait, qui s'appelle Zahir, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il venait à lui, il apportait avec lui un présent, un cadeau. Quelque chose que les gens de la ville n'avaient pas l'habitude peut-être d'avoir. Lequel lui fournissait des provisions lorsqu'il s'en retournait vers les siens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui de même, offrait à ce bédouin des cadeaux quand il rentrait chez lui. Alaykoum salam. Cet homme venait d'un endroit en dehors de la ville avec des cadeaux. Et le prophète alayhi salatu wa salam lui donnait aussi des cadeaux. Car dans un hadith, il nous dit, Man sala'a ilaykum ma'roufan fakafi'u. Celui qui vous fait un bien, rétribuez-le en conséquence. C'est-à-dire, donnez-lui une chose aussi. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ. Si vous ne trouvez pas de quoi lui donner une rétribution, فَقُولُوا لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. Dites-lui alors, puisse Allah te rétribuer en bien. Faites une invocation pour lui, jusqu'à ce que vous voyez que vous avez été reconnaissant envers lui. C'est le sens global du hadith. Donc, quand cet homme offrait des cadeaux au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète aussi lui en offrait, alayhi salat wa sallam. Et pour faire plaisir également à cet homme, il disait cette phrase, Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru. C'est-à-dire, Zahir est notre badiyah et nous sommes sa ville. De quoi il veut parler ici? C'est comme si qu'il veut lui dire, Zahir est avec nous et nous sommes avec lui. Lui, il vient de l'Badiya, l'endroit qui est à l'extérieur de la ville. C'est notre Badiya, à nous. Et nous, nous sommes sa ville à lui. C'est-à-dire, il fait partie des nôtres et nous faisons partie des siens. Nous sommes frères. Donc, c'était une phrase avec laquelle il faisait entrer dans le cœur de Zahir la joie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait. Il aimait Zahir. Un homme qui vient te visiter régulièrement va être aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuhibbu hadha ar-rajul wa kana rajulan damima. Et Zahir radiyallahu an, qui était aimé par le prophète alayhi salatu wa sallam, était un homme à qui Allah n'avait pas donné la beauté. C'était un homme à qui Allah n'avait pas donné la beauté. Et je préfère dire ça que de dire le mot là, car on parle quand même des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si Allah ne lui avait pas donné la beauté physique, il est clair et net qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné la beauté intérieure, qui est celle qui compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons du prophète radiyallahu anhum sont les gens au cœur les plus purs, au comportement les plus élevés. Donc cet homme n'a pas eu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la beauté à laquelle aspire l'un d'entre nous. Il était modeste dans sa beauté. Radiyallahu anhu. C'est ce qu'on appelle damim en langue arabe. Et si on dit damim, c'est autre chose. Donc damim, c'est l'homme qui n'a pas la beauté. Damim, c'est l'homme qui est mauvais dans ses comportements. C'est-à-dire que damim, c'est celui qui n'est pas beau dans son physique, et damim, celui qui n'est pas beau dans son comportement. Ici, le mot qui nous est cité, c'est damim. C'est-à-dire, il n'avait pas la beauté. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعًا. Le prophète صلى الله عليه وسلم est venu à lui un jour alors qu'il vendait sa marchandise. Il était peut-être au marché ou dans un endroit et il vendait une marchandise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient par derrière. فَاحْتَضَنَهُ أَيْ ضَمَّهُ إِلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَيُبْصِرُ. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'enlaça par derrière, c'est-à-dire il est venu par derrière et l'a pris dans ses bras. Il l'a pris dans ses bras, alayhi salatu wa sallam, en passant ses mains sous ses aisselles et les mit sur ses yeux, si bien que l'homme ne pouvait le voir, dit, l'homme, le prophète, alayhi salatu wa sallam, arrive et il voit son compagnon en train de vendre. Et là, il va faire quelque chose qui va faire rentrer la joie dans le cœur de cet homme. On vient de voir que cet homme, Allah Azza wa Jalla, ne lui a pas donné la beauté qu'on espère avoir. Et donc, il est arrivé, il l'a pris par derrière, il l'a porté, il l'a serré contre lui. Et alors, le compagnon a dit, ce bédouin a dit, فَقَالَ مَنْ هَذَا أَرْسِلْنِي يعني أَتْرُكْنِي. Le compagnon a dit, qui est-ce? Lâche-moi. Il a dit, qui est-ce? Lâche-moi. Et vous pouvez vous imaginer, quelqu'un vient vous attraper par derrière. En général, c'est encombrant et ça gêne. Mais pour l'instant, il ne sait pas que celui qui l'a attrapé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il lui dit, lâche-moi. فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il s'est retourné et a reconnu le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Au début, qu'est-ce qu'il a dit? Lâche-moi. Puis il s'est retourné, il a vu le prophète sallallahu alayhi wasallam. Il fit en sorte de laisser son dos coller à sa poitrine, à la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. Au début, il lui dit, laisse-moi, lâche-moi. Mais quand il voit que c'est le prophète alayhi salatu wassalam, il le tient pour que le prophète le tienne encore. Alayhi salatu wassalam. Lequel se met à dire, qui achète cet esclave? Donc le prophète, il continue dans la plaisanterie et il dit aux gens, qui veut acheter cet homme? Qui veut acheter cet esclave? Qui veut l'acheter? Alors, il dit, ô messager d'Allah, tu peux être sûr que je serai alors invendu, en utilisant le terme kasid. Le mot kasid, c'est le mot avec lequel on désigne la marchandise qui, par exemple, est périmée, ou qui est pourrie, ou qui est invendable, car elle est usée, etc. Il lui dit, idan, wallahi tajiduni kasida. Il dit, ô messager d'Allah. Donc, il dit, il jure par Allah, il dit, je jure par Allah, que tu me trouveras invendu, invendable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, auprès d'Allah, tu n'es point déprécié. Ou bien il lui dit, tu es très cher auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce hadith, on tire des enseignements parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec les sahaba radiyallahu anhum, et il plaisantait même physiquement, comme on vient de le voir, mais à condition de ne pas dépasser les limites. Et là, cet homme-là sait qu'Allah ne lui a pas donné une grande beauté. Et il vient, le prophète vient derrière lui, le porte, et dit, qui veut acheter cet esclave? Et lui, il se dit, mais qui va m'acheter, moi? Qu'est-ce que les gens vont faire avec moi? S'ils m'achètent, je serai inutile pour eux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui remonte le moral en lui disant, chez Allah, tu es aimé. Chez Allah, tu n'es pas inutile. Chez Allah, tu n'es pas invendu. Et ça, ou cette information est en conformité avec le hadith qui est rapporté par Muslim, selon Abu Huraira, si mes souvenirs sont bons ou autres, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila jasadikum. Allah ne regarde pas votre apparence ni votre corps. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il ne regarde que vos cœurs et vos actes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas le gabarit de l'un d'entre nous, ou son corps, ou bien l'argent qu'il possède, ou toutes ces choses apparentes. Par contre, ce qu'il regarde et ce avec quoi il distingue un de ses serviteurs d'un autre, c'est deux choses. Ce qu'il y a dans son cœur, comme intention, comme pureté dans l'intention, comme amour d'Allah, comme crainte d'Allah, comme espoir à la miséricorde d'Allah, comme véracité, comme bonne opinion à l'égard d'Allah, Azza wa Jal, et encore d'autres choses. Il regarde ça, et il regarde aussi les actions qui découlent de toutes ces choses-là. Et ce hadith-là, justement, est une réponse à ceux qui, par ignorance, disent « La foi est dans le cœur » et qui, en apparence, ne font rien. Ou bien, ne font presque rien. Et dans le peu qu'ils font, ils le font mal. Et quand le conseil leur est dirigé, ils répondent « Al-iman fil qalb » « La foi est dans le cœur ». Sahih, al-iman fil qalb wal a'mal fil jawarih. C'est vrai que la foi est dans le cœur, mais les actes sont dans les membres aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. Si il est mauvais, tout le corps le sera aussi. Et si il est bon, tout le corps le sera aussi. Et il n'est autre que le cœur. Si le cœur est bon, forcément la personne qui a ce cœur bon va faire des bonnes actions. Et on va voir des bonnes actions de cette personne. Alors que si le cœur est mauvais, on verra de cette personne des mauvaises actions et qu'elle délaissera les bonnes actions. Donc, cela lui sera totalement insuffisant de dire « la foi est dans le cœur ». Car tout comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé la foi dans le cœur, il nous a aussi demandé les actes dans les membres. Donc c'était une parenthèse. Et parmi les leçons qu'on tire de ce hadith, le mérite de ce compagnon, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté et a témoigné pour lui que chez Allah il est aimé. Et il est apprécié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Le hadith suivant, عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. Et c'est donc le dernier hadith de ce chapitre qui est rapporté par Al-Hassan. Al-Hassan n'est pas Al-Hassan ibn Ali comme on pourrait le croire, un compagnon du prophète radiyallahu anhu. Mais en fait c'est Al-Hassan al-Basri rahimahullah, un tabi'i qui a vécu avec des compagnons, mais qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ça, certains savants ont jugé faible ce hadith. Mais l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a jugé bon et correct, car il y a des autres versions qui viennent témoigner de l'authenticité de ce hadith. Ce sont quelques règles de la science du hadith, mais le résultat, c'est que l'imam al-Albani, rahimahullah, l'a jugé bon et que al-Hassan n'est pas le fils de Ali ibn Abi Talib, mais plutôt al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Il nous rapporte que une vieille femme, donc on l'appelle ajouz dans la langue arabe, min al-ajz, wa huwa adam al-qudra, bi sabab kibar al-sin, et ce terme vient de al-ajz, qui est l'incapacité, et ça peut être à cause de l'âge. C'est pourquoi ici on va la traduire par une vieille femme. Une vieille femme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda, messager d'Allah, prie Allah qu'il me fasse entrer au paradis. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà on tire une leçon ici. Quel doit être le souhait du croyant? Le croyant, quand il va voir quelqu'un pour lui dire « Ud'u Allah Ali »« Invoque Allah pour moi »« Yas'aluhu ou yuqaddimu fi du'a aham shay » Il avance dans son invocation la chose la plus importante. « Wa huwa dukhulul janna wa mardatullah » qui est d'entrer au paradis et d'avoir la satisfaction d'Allah. Particulièrement lorsqu'il atteint l'âge avancé. « Khasatan idha kana kabir as-sin » Comme tu le vois ici, Ajouz, une vieille femme est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô messager d'Allah, invoque Allah qu'il me fasse entrer au paradis. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a voulu plaisanter avec cette femme, et lui a dit, ô toi la mère d'un tel, la femme vieille n'entrera pas au paradis. Il n'a pas menti. Pourquoi? On va le voir après. Donc, cette femme qui entend cette information, a peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en revint alors en pleurant. Et lui dit à ceux qui étaient présents, cette femme a fait demi-tour, elle est partie, en pleurant. Elle s'est dit, ana ajouz, kabiratu sin, kibaru sin la yadkhuluna al-janna, idhan ana la adkhulu al-janna, Elle a dit, les vieux n'entreront pas au paradis, moi je suis vieille, donc je n'entrerai pas au paradis. Elle est partie en pleurant, car c'est le souhait du croyant d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qui étaient avec lui, apprenez-lui qu'elle n'y entrera pas en y étant vieille. Allah, exalté soit-il, a dit, dans Surat Al-Waqi'a, nous les créerons, c'est-à-dire les femmes du paradis, d'une création nouvelle, en ferons ainsi des vierges aimantes similaires. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, et a cité la raison pour laquelle il a dit à cette femme, les vieilles n'entreront pas au paradis. Car au paradis, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit dans un hadith, que les habitants du paradis auront l'âge de Isa alayhi salam, c'est-à-dire 33 ans. Et aussi, ils mesureront 30 mètres. Et ils n'auront, pour les hommes, n'auront pas de barbe et ils n'auront pas de poils. Donc, en fait, cette femme, inshallah, si elle meurt dans la piété, elle entre au paradis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a voulu que plaisanter avec elle. Donc dans ce hadith, on tire une leçon. La manière de plaisanter. C'est-à-dire que tu peux dire des paroles qui vont laisser ton auditeur croire quelque chose, à condition que tu ne mentes pas, et ensuite tu lui expliques que tu ne voulais pas, par ta parole, dire ce que cette personne a cru. Wallahu azza wa jalla a'lam. Et c'est donc le dernier hadith avec lequel l'imam Tirmidhi rahimahullah a terminé le chapitre concernant la plaisanterie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous passons au chapitre suivant. Babu ma ja'a fi sifati kalami rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi shi'r. Chapitre concernant les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la poésie. Donc l'auteur, rahimahullah, a cité ce chapitre pour nous montrer quelle était la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la poésie. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait la poésie? Est-ce que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, récitait des vers de poésie? Voici pourquoi l'imam Tirmidhi, rahimahullah, a cité ce chapitre. Et sachez que le jugement de la poésie, vous savez que la langue arabe est une langue riche, luratun ghaniya, avec laquelle les arabes de l'époque anti-islamique ont cité énormément de poésie et ont écrit énormément de poésie. C'est même la langue la plus riche, sans le moindre doute. C'est pourquoi Allah l'a choisi pour révéler le Coran en cette langue. Quant au jugement de la poésie, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son livre Al-Adab al-Mufrad, donc ce n'est pas dans le recueil authentique, mais dans l'autre livre, Al-Adab al-Mufrad, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, al-shi'ru bi manzilati al-kalam, hasanuhu ka hasan al-kalam, wa qabihuhu ka qabih al-kalam. C'est-à-dire, la poésie est à l'image de la parole. La bonne parole ou la bonne poésie est comme la bonne parole. Et la mauvaise poésie est comme la mauvaise parole. Donc voici le jugement de la poésie qui est donné par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la poésie, il y a des paroles qui sont bonnes, dans lesquelles on défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, on vante les mérites des compagnons radiyallahu anhum, on montre les caractères sublimes de l'islam, on montre l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute autre parole qui sont tout simplement licites. Et dans la poésie, nous trouvons d'autres paroles qui sont illicites. Des paroles qui encouragent les gens à commettre ash-shirku billah, l'association, al-bid'ah, les innovations, des paroles qui encouragent les gens, qui poussent les gens à commettre la fornication, des paroles qui décrivent l'homme ou la femme dans sa nudité, et d'autres choses encore qui sont mauvaises. Si la poésie est utilisée dans le bien, elle est bonne, et si elle est utilisée dans le mal, elle est mauvaise. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ash-Shu'ara, surat les poètes, nous voyons qu'Allah nous dit vers la fin de la surah, وَالشُّعَرَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, et les poètes, ce sont les égarés qui les suivent. De qui est-ce qu'on parle ici? هل المقصود جميع الشعراء? Est-ce que Allah Azza wa Jal ici nous parle de tous les poètes? الجواب لا. La réponse est non. وإنما المقصود بالشعراء الذين ينشدون أبياتا شعرية محرمة يحثون على الشرك أو على البدعة أو على المعصية. Ce qui est voulu par les poètes qui sont suivis par les égarés ici, ce sont les poètes qui ont des vers poétiques encourageant au mal. En premier lieu, l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'innovation, ainsi que tout ce qu'Allah azza wa jal a interdit. C'est pourquoi si vous suivez... si vous voyez les versets suivants, Allah dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions, c'est-à-dire parmi les poètes. Et ce que je vous dis ici, c'est ce qu'a cité l'imam Sa'di rahimahullah dans le tafsir de surat Ash-Shu'ara. Il dit, de manière brève et résumée, qu'Allah a blâmé les poètes qui encouragent avec leur poésie au mal parmi les gens de Quraysh et tous ceux qui les suivent. Et il a excepté de ce blâme les poètes qui avec leur poésie défendent Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rahimahullah a cité un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna min ash-shi'ri la hikma, c'est-à-dire il y a parmi la poésie de la sagesse. Et il a utilisé cette lettre en arabe min. Et cette lettre-là est utilisée pour ce qu'on appelle en arabe at-tab'id, ay ba'd al-shi'r fihi hikma wa ba'd fihi shurur. C'est-à-dire il y a dans une partie de la poésie un bien, une sagesse. C'est-à-dire que toute poésie n'est pas forcément bonne, mais seulement la poésie dans laquelle on retrouve des sagesses ou des bonnes paroles est bonne et licite et aimée et peut-être donc écoutée et même récitée. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme nous allons le voir, écoutait la poésie, mais il n'était pas poète. ما كان عليه الصلاة والسلام شاعرا. لماذا? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi le prophète n'était pas poète? عليه الصلاة والسلام. Alors que c'est le messager d'Allah, c'est lui qui comprend la langue arabe mieux que tout le monde, sans le moindre doute. Et pourtant, il n'est pas poète. Pourquoi? La réponse. Naam. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il n'est pas poète? Non. J'entends pas. Barakallahu fik. Exactement. Car s'il était poète, لو كان شاعرا, لقالوا هذا شعر. لقالوا القرآن هذا الذي يقرأه شعر. لا نصدق. Ils auraient, s'il était poète, ils auraient dit c'est un poète. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils viennent avec une parole qui est le Coran. Ce n'est qu'une poésie. C'est pourquoi ils n'ont pas pu dire, ou n'ont pas pu croire que c'est un poète, même s'ils l'ont dit. Mais regardez quand ils l'ont dit, comment ils se sont contredits. Dans surat As-Safat, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils ont dit, أَإِنَّ وَقَالُوا أَإِنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون والمجنون مع شعر ما يمشي المجنون الذي يفقد عقله كيف يفقد عقله ثم يحسن الشعر تناقض. Allah Azza wa Jal dit dans le verset ce qui veut dire, et quand on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et disaient allons-nous délaisser nos divinités pour un poète qui a perdu la raison, un poète fou? Et avec cette parole ils se sont contredits. Pourquoi? Car bien au contraire, ne peut être poète que celui qui a toute sa raison. pour justement réciter des vers poétiques dans lesquels on retrouvera des rimes et qui sont bien faites, etc. Quelqu'un qui a perdu la raison, comment va-t-il citer des vers de poésie? Donc ils se sont contredits. Le prophète alayhissalam n'était pas poète et il écoutait la poésie de ses compagnons radiyallahu anhum. Il avait parmi ses compagnons certains qui étaient connus pour étant ou comme étant ses poètes, parmi lesquels Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, Abdullah ibn Rawaha, haoula shu'ara an-nabi alayhi salatu wassalam, wa Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Ces trois hommes-là particulièrement étaient connus comme étant des poètes du prophète alayhi salatu wassalam. Certains d'entre eux allaient, pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, réciter des vers poétiques. Et c'est Abdullah ibn Sirin, rahimahullah, le tabi'i, l'élève de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui nous rapporte que ses trois compagnons étaient les poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith de ce chapitre, عن عائشة رضي الله عنها قالت أو قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر هل كان ينشد الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة عبد الله بن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك الأخبار ما ويأتيك الأخبار من لم تزودي. طيب. Ce premier hadith est rapporté par Aïcha radiallahu anha, dans lequel on a demandé à cette femme, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait parfois des vers de poésie? Elle dit, il disait parfois des vers d'Ibn Rawaha. Ibn Rawaha, radiyallahu anhu, c'est un compagnon à Ansari, Khazraji, un compagnon de la ville de Médine, qui a assisté à de nombreuses batailles, telles que Badr, Uhud, la bataille du fossé, mais qui n'a pas pu assister à la conquête de la Mecque, puisqu'il fut tué avant celle-ci, dans le combat, en tant que commandant de l'armée. Et ce compagnon, radiyallahu anhu, avait l'habitude de citer des vers poétiques. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'écoutait ou les écoutait de lui. Donc, il en avait retenu quelques-uns qu'il récitait parfois. Et parmi les vers poésie, des vers poétiques qu'il récitait, certains dans lesquels il disait, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Arana al-huda ba'da al-ama faqulubuna » به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع. Ce qui veut dire, et je n'ai pas l'habitude de traduire les vers poétiques, mais de manière globale, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la guidée après avoir été aveugle. Nos cœurs sont devenus certains que tout ce qu'il dit est réel. Il passait ses nuits à arracher son flanc de son lit, c'est-à-dire il se levait, il se détachait de son lit pour prier Allah, dans une époque ou dans un temps où les lits étaient lourds pour les kuffars. À l'heure où les kuffars appréciaient le plus le sommeil, lui, sallallahu alayhi wa sallam, se décollait de son lit. Donc il avait plusieurs vers poétiques qu'il citait, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il citait d'autres vers, parmi lesquels celui que Aïcha radiallahu anha nous rapporte, et qui en fait n'est pas un vers du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, mais c'est un vers d'un homme qui s'appelle Tarafa ibn al-Abd, qui était connu pour sa poésie, et qui la maîtrisait. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les périodes de guerre ou autres, envoyait certains de ses compagnons à la recherche d'informations concernant les ennemis, yursil ba'd an-nas hatta ya'tu lahu bi akhbar al-adu. Donc, il attendait. كان يصبر وينتظر حتى يرجع الصحابي بالأخبار. Il attendait que le compagnon qui y avait été envoyé revienne avec les informations. Et l'imam Ahmed rahimahullah rapporte, selon Aïcha radiallahu anha, qui nous dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر إذا استبطأ إذا استبطأ الخبر ينتظر وينتظر ويجد الخبر لا يأتي تمثل فيه ببيت طرفة. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم attendait les informations et que l'arrivée de celle-ci paraissait longue, il se mettait à réciter les vers poétiques de Tarafa ibn al-Abd dans lesquels il dit ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. Ce qui veut dire, les jours te montreront ce que tu ignorais. C'est-à-dire, donc le prophète alayhi salatu wa salam envoie un compagnon et le temps semble long et ne revient pas. Alors le prophète alayhi salatu wa salam dit ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا مرور الأيام يتبين لك من خلالها الأمر الذي كنت لا تعرفه مع مرور الوقت تعرف الحق. Il dit que les jours qui passent vont montrer la vérité que tu ignorais. Et ça, c'est une sagesse à retenir même dans les époques de troubles, de discorde, de division, de tout ce qui est mauvais. Quand les jours passent, la vérité s'éclaircit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend les informations concernant l'ennemi et elles mettent du temps à arriver. Alors il dit, les jours qui passent te montreront ce que tu ignorais. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِي الَّذِي لَمْ تُعْطِيهِ زَادًا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ خُذِ الْأَخْبَارِ وَارْجِعْ هُوَ الَّذِي سَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ. Il dit, et même celui que tu n'as point pourvu de provisions t'apportera des nouvelles. C'est-à-dire que à la base tu avais envoyé quelqu'un pour te ramener ou te rapporter les informations. Et ce quelqu'un a mis du temps à venir. Alors le prophète dit, même celui que tu n'as point pourvu de provisions, tu ne lui as pas donné des provisions pour se rendre chez l'ennemi et revenir. C'est lui qui viendra avec les informations. Les informations, quoi qu'il en soit, elles viendront. Vous avez compris ? Donc c'était des vers poétiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait quand il attendait les informations concernant l'ennemi. Le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد أنه قال ألا كل ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي صلت أن يسلم. Nous allons expliquer ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٍ, c'est-à-dire la parole la plus véridique prononcée par un poète, c'est-à-dire quelle est cette parole? La parole la plus vraie qu'est dite un poète est celle de l'Abid. L'Abid, c'est l'Abid ibn Rabi'a al-Amiri. C'est un homme qui était connu. Il était noble avant l'islam et pendant l'islam. Et il a accepté le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est donc converti à l'islam. Et cet homme faisait partie des gens les plus éloquents parmi les poètes et parmi les Arabes. Et quand il s'est converti à l'islam, il a abandonné totalement la poésie et a dit « Yakfini al-Qur'an ». Il a dit « Le Coran me suffisant ». Il était connu pour la poésie. Mais quand il est entré dans l'islam, il a dit « Le Coran me suffit ». Il a abandonné la poésie. Cet homme-là avait cité une parole et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un vers poétique, a dit que c'est la parole la plus véridique qu'ait dite un poète. Quelle est-elle? Il dit, tout si ce n'est Allah est vain. Bien sûr, quand les vers poétiques sont traduits en français, ils perdent de leur sens et on ne voit plus la beauté de la phrase. Mais en tout cas, le sens de ce vers, c'est que tout ce qui est autre qu'Allah est voué à périr. Ala kullama ala kullu ma khala Allah batilu. Wa hadha yuwafiqu qawlahu ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha. Ce qui est en accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Qasas, les récits, dans laquelle Allah azza wa jalla nous dit ce qui veut dire toute chose est vouée à périr sauf son visage. Tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va périr. Même Malik al-Maut, même l'ange de la mort. يَقْبِذُ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا ثُمَّ لَا يَبْقَى إِلَّا هُوْ فَيَقْبِذُ رُوحَهُ. Donc, Malik al-Maut, l'ange de la mort, va retirer toutes les âmes, jusqu'à ce que tous les êtres humains seront morts. Alors, il ne restera que lui. Et il va se retirer sa propre âme et il va mourir. Et seul Allah tabaraka wa ta'ala restera et subsistera subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, quant à Umayya ibn Abi Salt, il s'en fallut de peu qu'il adhéra à l'islam. Cette parole, nous allons la laisser, car nous allons voir ce qu'elle veut dire dans un hadith proche, insha'Allah ta'ala. Nous allons passer au hadith suivant. عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه apporté par جندب بن سفيان البجلي qui nous dit قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت إصبع أي إصبع الرجل فدميت أي نزل منها الدم فقال هل أنت إلا إصبع دم فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une pierre atteignit le doigt de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette pierre a atteint le doigt de pied, non pas le doigt de la main. Il était en train de marcher alayhi salatu wa sallam quand une pierre a atteint un de ses doigts de pied. Qui saigna, le sang a coulé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé son pied et le sang coulait, et il a cité des vers poétiques en disant, ce qui veut dire, هل أنت إلا إصبع دميتي, c'est-à-dire, n'es-tu point qu'un doigt dont le sang coule, c'est-à-dire, tu n'es qu'un doigt dont le sang a coulé. Ce n'est rien de grave. Tu n'es rien d'autre qu'un doigt duquel le sang a coulé. وفي سبيل الله ما لقيت هذا الذي لقيت هو في سبيل الله وفي ميزان الحسنات qui endure cela dans la voie d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui se plaignait alayhi salatu wa sallam. Il n'était pas quelqu'un qui, quand il se faisait mal, se plaignait directement. Aujourd'hui, tu trouves quelqu'un qui, par exemple, va trébucher sur un morceau de bois. Tu trouves quelqu'un qui va marcher dans la rue et qui va trébucher sur un morceau de bois, sur une pierre, ou qui va se cogner sur un arbre, sur un mur, peut-être dans le noir à cause du manque de lumière, etc. Tu vas trouver cette même personne insulter le morceau de bois ou le mur ou la pierre. À quoi ça sert? À rien du tout. Et la personne même qui fait ça sait que c'est inutile de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il nous dit: ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin, al-nasab huwa al-ta'ab wal-wasab huwa al-marad, wala hammin wala hazanin wala adha wala gham, hatta shawka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: pas un mal ne touche le muslim, que ce soit la fatigue ou une maladie ou une tristesse, une angoisse, une nuisance, une préoccupation, jusqu'à même une épine. Jusqu'à une épine qui pique le musulman, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface des péchés par ce mal qu'il a. Al-Muslim, le musulman, kullama أصابته مصيبة كفر الله عنه من السيئات ما يوافق هذه بحسب هذه المصيبة. À chaque fois que le musulman est touché par un mal, par une calamité, par un, quoi que ce soit de mauvais en apparence, Allah Azza wa Jal lui effacera des péchés en proportion à ce mal qu'il a atteint, jusqu'à un pic qui lui touche le bout du doigt. Un pic qui lui touche le bout du doigt, Allah lui efface des péchés. Donc le prophète alayhi salam reçoit une pierre sur le pied, il voit le sang couler, il dit, mais qu'est-ce que tu es d'autre qu'un doigt qui saigne? Et cela est dans le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hadith suivant, عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة وهذا كان في غزوة حنين في قتال فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس سرعان الناس الذين يسرعون ويستعجلون تلقتهم هوازن قبيلة من العرب تلقتهم الهوازن بالنبل أي بالسهام ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Donc dans ce hadith, Al-Bara ibn Azib radiallahu an a relaté qu'un homme lui a demandé, avez-vous fui? Ici il nous parle de Hunayn. Hunayn, c'est une bataille, une bataille de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, wa yawma hunaynin idh a'jabatkum kathratukum. Et Allah rappelle aux croyants le jour de Hunayn, quand vos noms, quand votre nombre vous a trompé. Ce jour-là, les compagnons radiallahu anhum étaient tellement nombreux qu'ils se sentaient en sécurité. Alors, ils ont été éprouvés dans cette bataille-là et certains d'entre eux ont pris la fuite. Alors, un homme a dit à Al-Bara ibn Azib, avez-vous fui laissant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au Abu Umara? Abu Umara, c'est la kunya, le surnom de Al-Bara ibn Azib. Qu'est-ce qu'il répondit? Non, répondit-il, par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est point retiré. Ce sont les impatients qui ont fui et que les Hawazan c'est le nom d'une tribu. Hawazan, ce sont des gens parmi les tribus des Arabes qui étaient connus pour la précision quand ils lançaient les flèches. Donc, ce jour-là, certains compagnons ont pris la fuite parmi ceux qui n'ont pas eu la patience nécessaire. Ils ont pris la fuite. Et les gens de la tribu de Hawazan les avaient accueillis avec leurs flèches. Ils leur lançaient des flèches. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était sur sa mule. Ce jour-là, il était sur sa mule. Al-Sheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, dit, pourtant la mule n'est pas la meilleure monture, surtout en période de guerre. Al-Baghla, laysat ahsan al-markab. N'est pas la meilleure monture. Khasatan fil harb. Al-insan yahtaj ila Faras, surtout dans la guerre, l'homme a besoin d'un cheval qui court vite. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wa salam, ce jour-là, était sur sa mule. Al-Sheikh Abd al-Razzaq dit, هذا يدل على توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله. Cela nous montre la confiance que plaçait le prophète, sallallahu alayhi wa salam, en Allah. Puisque dans cette scène, il était sur une mule. Alors que peut-être que les autres étaient sur des chevaux. Et Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son frère de Dola, huwa akhuhu min ar-rada'a, il était là, et qu'est-ce qu'il faisait? Il tenait le morse de celle-ci, c'est-à-dire la corde, ou la ficelle, ou la corde que l'on, avec laquelle on tient la monture, pour qu'elle avance, pour qu'elle s'arrête. Il la tenait, elle était avec lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ce qui veut dire, je suis le prophète, il n'y a pas de mensonge. Je suis le fils de Abd al-Muttalib. Pourquoi le prophète dit ça, sallallahu alayhi wa sallam? Huwa bayna al-adou, min bayni al-adou. Il est devant les ennemis et il dit, anan nabiyu la kadhib. Je suis le prophète, il n'y a pas de mensonge. Limada, ana an-nabi la kadhib, anna Allah sayansuruni. C'est-à-dire, je suis le prophète, il n'y a pas de mensonge. Je suis un messager d'Allah et Allah a promis le secours à ses messagers. Allah a dit dans sourate Safat à la fin de la sourate, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ. Notre parole a été décrétée concernant nos serviteurs messagers, ils seront les secourus. Donc le prophète dit, alors qu'il voit les ennemis, je suis le prophète, il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire, Allah va m'accorder son secours car il l'apporte à ceux qui portent avec eux la vérité. Ana ibn Abdil Muttalib, je suis le fils de Abd al-Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. L'imam a cité, l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre, car la dernière phrase ou les deux dernières phrases sont des vers de poésie. Le prophète n'était pas poète, mais quand il citait des vers poésie, ils étaient très simples. Sallallahu alayhi wa sallam. An Anas ibn Malik radiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. Vous entendez les rimes. Ce sont des vers poétiques qui ont été récités par Abdullah ibn Rawaha. Et on vient de voir que c'était un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces vers ont été récités pendant ce qu'on appelle la umrah de compensation. Umrat al-qada. De quoi on parle dans cette umrah? Le prophète un jour sallallahu alayhi wa sallam est allé avec les compagnons pour une umrah, pour accomplir une umrah. Et Quraysh, ce peuple, a barré la route au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a interdit au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons d'accomplir la umra. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wasallam a signé avec eux un pacte, un accord dans lequel l'année d'après ils étaient dans l'obligation de laisser le prophète sallallahu alayhi wasallam accomplir cette umra. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas accompli cette umra. Il est retourné à la Mecque, il est retourné à Médine. Et l'année d'après, il est revenu et a accompli cette umra, c'est celle qu'on appelle la umra de compensation. Il a compensé la umra qu'il devait faire mais qu'il n'a pas pu faire. Pendant cette umra, il est arrivé avec les compagnons radiyallahu anhum à la Mecque. Abdullah ibn Rawaha s'est mis devant lui et a récité des vers poétiques afin de, on va dire, faire augmenter la colère de Quraysh, les ennemis d'Allah et les ennemis de l'islam. Et dans ces vers poétiques, il leur disait, radiyallahu anhum, khallu bani al-kuffar an sabilihi, ay khallu an sabilihi ya abna al-kuffar. Il disait, laissez aux gens de la mécréance son chemin. Al-yawma nadribkum ala tanzilihi. Aujourd'hui, nous frapperons pour sa venue. Donc ici, on voit que ça a été traduit par sa venue, mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit que c'est At-Tanzil, c'est-à-dire la révélation, le Qur'an. C'est-à-dire, on frappera pour le Qur'an. Il dit, Darban yuzilul ham an maqilihi. D'un coup qui déracine les têtes. Yuzilul ham, al-ham, huwa a'la ar-ras. Al-maqil, huwa al-mawdi'. أين ضربكم ضربا شديدا لشدته تسقط رؤوسكم. Il dit, nous vous frapperons d'un coup tellement fort qu'il déracinera les têtes, qu'il déplacera les têtes de leurs endroits initiales. ويذهل الخليل عن خليله. يذهل تطيش العقول. C'est-à-dire, il laisse les intimes s'oublier. Les amis intimes vont s'oublier quand ils verront la force de ce coup avec lequel les compagnons vont frapper dans le cas où ils s'opposeraient à ce que les compagnons entrent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir cette umra. Faqala lahu Umar s'est mis alors à dire, Ya ibn Rawaha, bayna yaday Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرِ. Omar a voulu le blâmer, le reprimander. Il lui dit, ô fils de Rawaha, devant le prophète sallallahu, devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tu récites ces vers devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dans le territoire sacré d'Allah tu lis la poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khalli anhu ya Umar, laisse-le ô Umar, fala hiya asra'u fihi min nadhhi من نضح النبل أي خلي عنه يا عمر فإن هذه الأبيات الشعرية أسرع من السهام أسرع في العدو من السهام. Le prophète dit, laisse-le Omar, ces vers sont plus foudroyants qu'une volée de flèches. Donc on tire des leçons de ce hadith, parmi lesquelles les compagnons radiyallahu anhum provoquaient l'ennemi avec des vers poétiques. Et ces vers poétiques avaient un impact fort sur les ennemis. Tellement fort que le prophète l'a décrit comme étant plus foudroyant que les flèches qui s'abattent sur l'ennemi. Pourquoi? Car le peuple des Arabes d'avant était un peuple qui faisait attention à tout ce qui est l'honneur, la dignité de la personne, le rang social de la personne, la lignée de la personne. Donc quand on portait atteinte à tous ces symboles-là, ça leur faisait beaucoup plus mal que le mal d'une flèche qui touchait l'un d'entre eux. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam a laissé Ibn Rawaha réciter ses vers poétiques. Et on tire aussi comme enseignement qu'il est permis tout simplement de réciter des vers poétiques. Oui. Hadith suivant, An Jabir ibn Samura رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون شعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت لا يقول لهم شيئا وربما تبسم معهم. جابر بن سامورة رضي الله عنه ندي Je me suis assis avec le prophète صلى الله عليه وسلم plus de 100 fois. Ses compagnons récitaient des vers de poésie et se rappelaient des choses de l'époque pré-islamique et ils gardaient le silence. Il arrivait même alors qu'ils souriaient avec eux. وفي هذا إباحة الشعر. Il y a à travers ce hadith tout simplement le caractère licite de la poésie quand celle-ci n'est pas ou ne contient pas des paroles blâmables, puisque les compagnons étaient entre eux et il se rappelait des vers de poésie. يَتَذَكَرُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ الْأَيَّامِ السَّالِفَةِ وَالسَّنَوَاتِ. Ils se rappelaient entre eux les jours passés, les années passées, leur enfance, leur jeunesse et d'autres choses avec des vers poétiques. Et le prophète était là, les écoutait et il se taisait, ne disait rien. عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ. Et parfois même il souriait avec eux. Donc il acquiesçait et il approuvait. Voilà le terme adéquat. Il approuvait les vers poétiques récités par ses compagnons radiyallahu anhum. Et les savants disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse ses compagnons faire quelque chose devant lui et se tait, et qu'il approuve, cette chose est une sunna. Ou bien elle peut être permise. Allez comme ça. Et ici on voit ici que c'est permis. Tayyib. حديث سبعان عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهو الشريد قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي وراءه على الدابة فأنشدته 100 قافية أي بيت من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هي معنى زيد حتى أنشدته 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. الشريد رضي الله عنه dit, j'étais derrière le prophète صلى الله عليه وسلم sur une monture. Ridf ou radif, ça veut dire derrière, sur la monture. Et le prophète صلى الله عليه وسلم faisait monter ses compagnons radiallahu anhum derrière lui. Et certains savants ont même écrit des livres ou un livre sur les compagnons qui sont montés derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les montures. Parmi lesquels, celui-ci, Ash-Sharid, aussi on retrouve Abdullah ibn Abbas, on retrouve Al-Fadl ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhum, et d'autres compagnons qui sont montés derrière lui. Et ce jour-là, ce compagnon Ash-Sharid récitait des vers poétiques qui ont été écrits par un homme qui s'appelle Umayya ibn Abi Salt. Et c'est de lui qu'on parlait quand on a dit qu'on va en parler après, dans le hadith qui est passé. Celui qui a failli se convertir à l'islam. On va un peu parler de son histoire. Et alors, il a récité 100 vers poétiques de cet homme-là. À chaque fois qu'il récitait un vers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « hi, hi, hi ». Et cette expression en arabe veut dire « rajoute, rajoute, encore, encore ». Et il cessait de répéter « hi, hi, rajoute, rajoute » jusqu'à ce que le compagnon a récité 100 vers de poésie. Et, là, et alors le prophète alayhi salatu wa sallam a parlé de l'auteur de ces vers de poésie en disant « il s'en fallut de peu qu'il adhéra à l'islam ». Cet homme dont on parle, c'est Umayya ibn Abi Salt al-Thaqafi, un homme qui n'était pas croyant. Et cet homme-là était dans la région du Sham, vers la Syrie et dans la région du Sham. Il était connu pour la poésie et l'éloquence dans les paroles. Donc c'était un poète. Et ce poète-là a entendu, quand il était au Sham, qu'un prophète allait venir. سَمِعَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ سَيَأْتِي نَبِيٌّ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. Il a entendu des gens du livre qu'un prophète allait venir. Alors, quand il a entendu que cet homme est arrivé, certains disent dans sa biographie, أَصَابَهُ الْحَسَدُ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّبِيُّ. Il a été touché par la jalousie car il aurait bien aimé que ce soit lui le prophète. Alors il est parti à Mecca où il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hijra, avant l'émigration. Fadakhala Mecca wa altaqa bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré le prophète et lui a dit, je te donne rendez-vous demain et si tu veux qu'on se rencontre seul à seul, on peut le faire. Si tu veux que je ramène une équipe avec moi et toi aussi, alors on pourra aussi le faire. Le lendemain, ils se sont rencontrés. Le prophète est venu avec un groupe de compagnons et Umayya ibn Abi Salt est venu avec un groupe de ses amis. Umayya ibn Abi Salt anshada abiyatan shi'riyya. S'est mis à réciter des vers de poésie d'un niveau élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Quand il a fini, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, à ton tour. Le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka min al-mursalin ala sirat mustaqim. Il a commencé à réciter surat Yasin kamila. Il a récité la surah entière. Fash-sha'ir waqafa amama an-nabi sallallahu alayhi wasallam yasma' kalam Allah wa quwwata kalam Allah azza wa jalla. Le poète qui est là devant écoute les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est épaté par l'éloquence de ses paroles qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, alors que c'est un des plus grands poètes. Qu'est-ce qu'il fait? Fayuwalli mudbira, il s'en va, il retourne d'où il vient, et en route il dit, Wallah inna hadha al-kalam, kalam haqq. Il dit, par Allah, cette parole que je viens d'entendre est la vérité. Mais walakin ma aslam, il n'est pas encore entré dans l'islam. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Après réflexion, hamma bidukhul fil islam. Il a eu l'envie, il a l'intention de rentrer dans l'islam. Fa wan nabi alayhi salatu wasalam hajara ila al-Madina. Et le prophète avait immigré vers la ville de Médine. Alors, il a pris la direction de Médine. Mais en direction de Médine, quand il marchait, il était arrivé pendant la période où il y avait la bataille de Badr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la base, a voulu attaquer les Quraysh qui étaient passés près de Médine pour leur prendre leur convoi et leur provision. Et la bataille de Badr n'était pas une bataille organisée. Le prophète a envoyé des compagnons et est venu avec eux juste pour prendre ce que Quraysh avait. Mais les musulmans se sont retrouvés nez à nez avec les kuffars, et là la bataille de Badr a eu lieu et les compagnons ont battu les kuffars, walillahil hamd. Et quand il est arrivé pendant cette période en direction de Médine, cet homme qui voulait rentrer dans l'islam, il a croisé des gens qui lui ont monté la tête, si on peut dire ça comme ça, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et ils lui ont dit, fihim fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Il y a avec eux un tel et un tel. Et alors, il s'est mis à réciter des vers poétiques insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Hajjan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa lam yuslim. Il ne s'est pas converti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec son compagnon Sharid derrière lui sur la monture, Sharid récitait des vers de poésie de cet homme-là qui avait failli se convertir. Et le prophète alayhi sallam lui disait, rajoute, encore, encore, pourquoi? Car cet homme-là qui a failli se convertir récitait des vers de poésie tels que si l'un d'entre nous les entend, il serait prêt à jurer que ce n'est qu'un croyant qui récite ces vers de poésie. Il vantait les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vantait l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah est au-dessus de ses créatures et qu'Allah voit tout et entend tout. Et donc, il n'avait pas de mal à écouter ces vers de poésie, même si celui qui les récitait ou qui les a écrits n'était pas un croyant, à partir du moment où on retrouvait la croyance authentique. Et alors le prophète s'est rappelé de cet homme-là et a dit, il a failli se convertir. Yani, subhanallah, cet homme a failli se convertir. Mais on retient de ça que les cœurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Le dernier hadith avec lequel on va s'arrêter. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس وهو جبريل ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها ندي Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mettait dans la mosquée une chaire. Une chaire, c'est le minbar sur lequel on prononce le discours pour être élevé, pour que les gens puissent nous voir. Mettait dans la mosquée une chaire pour Hassan ibn Thabit, le poète du prophète alayhi wa sallam. Il lui mettait une chaire et parfois le laissait monter sur cette chaire justement pour qu'il récite des vers poétiques pour défendre l'islam, pour défendre la sunna. Et alors, sur laquelle ce dernier se tenait debout et faisait les éloges de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou lui apportait son soutien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah exalté soit-il, assiste Hassan par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par Jibril. Il renforce Hassan par Jibril lorsqu'il apporte ainsi son soutien ou qu'il fait son éloge pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand le compagnon défend par la poésie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, défend son honneur ou vante ses mérites, Allah envoie Jibril pour soutenir le compagnon qui a voulu soutenir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ce dernier hadith, nous avons conclu ou terminé ce chapitre concernant la poésie et nous arrêtons ici et reprendrons la semaine prochaine inshallah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك